Doguillerait en me levant ce matin, l'amour va certainement changer mon destin, car j'ai rendez-vous avec la grande Alice qui aime tant, oui. Oh oui, les myosotis rasés, coiffés et prêts à séduire. J'ai enfilé mes beaux souliers en cuir, cherchant un fleuriste. Je dois me presser car la femme, messieurs, n'aime point poireauter. J'ai un rendez-vous avec l'amour. D'un pas hâté, j'atteins enfin la rue. Malheureusement non, je n'avais pas vu fleuriste en deuil, pas de myosotis, car c'était le jour de l'armistice. Contrarié et rouge de colère, cherchant une issue à cette galère, il me faut trouver une fleur d'art. Le temps s'écoule et je suis en retard. J'ai un rendez-vous avec l'amour. Fêtant les morts de la seconde guerre, l'armée est au pas et les fusils en l'air. Fleurissaient les tombes de beaux pétunias. Je me dis, les pétunias, eh bien cela ira. Je n'ai pu saisir qu'un bout de pétale pris sur le vif, v'là qu'on me tire dessus. Sautant par-dessus les tombes, je détale pour quelques fleurs fanées. Mon Dieu, est-ce qu'on tue? J'ai un rendez-vous avec l'amour. Tremblant du genou, je risque lourd. Pénétrant dans un grand jardin public, je me décide à prendre ces tulipes. Seulement je n'avais point vu le flic qui me siffle furieux, grainon d'une pipe. Menu fretin, dit-il de sa matraque, à la main je te rosse si je t'attrape. Le voilà qui court dans ma direction. Je fuis, j'ai peur qu'il me jette en prison. J'ai un rendez-vous avec l'amour. Je suis comme un fou, rouge comme un four. Me remettant de mes émotions, être bredouille, je ne le veux que point. Alice sans fleurs, ah non, hors de question. Je me décide à être l'auteur d'un larcin, comme on dit au grand mot. Les grands remèdes, j'arrache les fleurs des mains d'une aïeule. Elle crie, s'effondre, tristement décède. J'ai quand même mes fleurs de pauvre glaïeul. J'ai un rendez-vous avec l'amour. Je suis prêt à tout, s'il faut je jure. J'arrive enfin à mon rendez-vous. Alice est là, furieuse, elle me toise. J'avance penaud, honte, je l'avoue. Il est temps pour moi de régler mon ardoise. Timidement, je montre mes mimines, je montre mes fleurs, lui tend mes glaïeuls. Trois fleurs fanées qui ont bien triste mine, elle les prend et me les jette à la gueule. J'ai un rendez-vous.